Partie 4. Le christianisme, l'Église et le monde. Chapitre 13. Toutes les religions mènent-elles à Dieu? Dans les chapitres précédents, Maddy et Izzy, j'ai essayé de vous expliquer comment j'ai trouvé Jésus et pourquoi cette découverte est si importante pour moi. Rien ne me ferait plus plaisir que de savoir que mon histoire vous a aidé, toutes les deux, dans votre propre cheminement spirituel. Dans cette dernière partie, je voudrais vous parler de certaines des grandes questions qui me troublaient encore en tant que nouveau chrétien et qui, je le sais, posent souvent des problèmes à ceux qui réfléchissent sérieusement à la foi. La première d'entre elles concerne les autres religions. Les chrétiens doivent-ils les considérer comme des alliés ou des rivaux, des amis ou des ennemis? De nos jours, certaines personnes sont rebutées par toutes les formes de religion, car elles voient la violence et les divisions qu'elles provoquent parfois dans les sociétés humaines. Elles choisissent donc l'athéisme ou l'agnosticisme, malgré toutes les grandes questions auxquelles un tel scepticisme ne répond pas. D'autres adoptent une position tolérante, estimant que toutes les religions sont en réalité identiques. À Wilmette, près de Chicago, se trouve un impressionnant temple Baha'i, doté de 9 grandes entrées. L'une des raisons de cette conception architecturale est qu'il considère qu'il existe aujourd'hui 9 grandes religions dans le monde, qui mènent toutes à la même expérience spirituelle. Parfois appelée la théorie de la roue des religions, cette idée selon laquelle il existe de nombreux chemins menant tous au même Dieu est séduisante et partagée par certains chrétiens. Les services religieux multiconfessionnels sont de plus en plus courants dans les cathédrales et les églises du monde entier. Cependant, au risque d'être impopulaire et controversé, je dois vous dire, Maddy et Izzy, que je ne crois pas personnellement que la théorie de la roue tienne la route. Pour commencer, elle est pleine de failles logiques. Une fois que l'on se penche sur leurs croyances, on se rend compte très vite que les différentes religions du monde enseignent des choses très différentes. Dans les religions orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme, par exemple, Dieu est impersonnel, une sorte d'énergie spirituelle qui circule à travers tout et tout le monde. En revanche, dans les 3 grandes religions qui remontent à Abraham, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, Dieu est un créateur et un juge personnel, distinct et séparé du monde qu'il gouverne. Je ne vois pas comment ces 2 conceptions de Dieu peuvent être toutes deux correctes. Et vous? Une autre différence majeure entre ces 2 familles de religions réside dans la manière dont les êtres humains sont enseignés à trouver Dieu. En Orient, cela passe par la pratique d'une discipline mystique ou yoga, qui conduit finalement à l'illumination spirituelle. Pour les religions abrahamiques, cependant, nous, êtres humains, ne pouvons jamais trouver Dieu par nos propres efforts. Nous ne le connaissons que parce qu'il a choisi de se révéler à travers des figures prophétiques clés au cours de l'histoire. Pour le judaïsme, le prophète le plus important était Moïse. Il a été suivi par de nombreux autres, et les écrits rassemblés de ces personnes inspirées constituent ce que nous appelons l'Ancien Testament. Pour l'islam, bien sûr, le prophète le plus important est de loin Mahomet. Son nom arabe s'écrit de différentes manières lorsqu'il est transcrit en lettres romaines. Les musulmans croient qu'il était le vecteur humain par lequel la révélation verbale finale de Dieu a été transmise, le Coran. Mais c'est sur ce point que le christianisme diverge vraiment de toutes les autres religions du monde. Car si de nombreux juifs reconnaissent Jésus comme un rabbin et les musulmans comme un prophète, les chrétiens insistent sur le fait que ces éloges timides sont tout à fait insuffisants. Jésus était bien plus qu'un rabbin, ou même qu'un prophète. Les chrétiens croient qu'en Jésus, Dieu lui-même est entré dans le monde qu'il avait créé, sous une forme humaine. Vous souvenez-vous que nous en avons parlé au chapitre 5 ? Pour ceux qui, comme moi, croient cela, Jésus est tout à fait unique. Nous l'appelons Seigneur. Et aucun autre être humain ne peut être mis à son niveau. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, au fil des siècles, les chrétiens ont été persécutés. Les sociétés qui ne partagent pas cette vision élevée de Jésus la trouvent souvent politiquement dangereuse ou religieusement blasphématoire. Cependant, aussi grave que soit le désaccord sur la personne de Jésus au fil des siècles, vous serez peut-être surpris d'apprendre que je ne pense pas que ce soit la caractéristique distinctive la plus importante de la foi chrétienne. Pour moi, ce qui distingue vraiment le christianisme des autres religions, ce n'est pas qui était Jésus, mais ce qu'il est venu faire. Vous voyez, tous les autres grands chefs religieux et prophètes sont venus pour enseigner. Mais, Comme je l'ai expliqué au chapitre 6, Jésus est venu pour mourir. Sa mort sur la croix n'était pas une tragédie, mais l'accomplissement du plan de Dieu pour nous sauver du jugement que méritent nos péchés. Moïse n'est pas mort pour nous. Mahomet non plus. Ces deux grands hommes sont morts paisiblement de vieillesse. Seul Jésus peut être décrit ainsi. Il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. 1 Pierre 2:24. Je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un au ciel qui attribuera son salut à Bouddha, à Moïse ou à Mahomet. Comme l'apôtre Pierre l'a dit aux chefs juifs, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 10 à 12. Vous souvenez-vous que j'ai commencé le chapitre 9 en énumérant certaines des choses qui ne font pas d'une personne un chrétien ? Des choses comme avoir été élevé dans une famille chrétienne, aller à l'église ou même être une bonne personne. Le fait est, bien sûr, que ce sont précisément ces éléments qui définissent les membres d'autres religions. La religion que les gens professent est très souvent simplement un signe de loyauté envers leur famille ou la communauté plus large à laquelle ils appartiennent. Donc, je suppose qu'il était inévitable que le christianisme soit également considéré comme un aspect de notre identité culturelle. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer avec beaucoup d'efforts, ce n'est vraiment pas le cas. Rien de ce que nous avons fait, ni ce que nos parents ou nos ancêtres ont fait, ne peut faire de nous des chrétiens. Tout vrai chrétien a une expérience personnelle de la grâce de Dieu, qu'il sait que ce n'est pas un héritage de ses parents, ni qu'il l'a mérité par ses propres efforts. C'est cette expérience de l'amour et du pardon de Dieu que la mort de Jésus sur la croix rend possible de manière unique. Personne ne peut échapper au jugement dernier de Dieu par d'autres moyens. J'ai beaucoup de respect pour les personnes d'autres religions. Au cours de ma vie professionnelle, certains de mes collègues étaient musulmans et j'ai appris à admirer leur loyauté envers leurs croyances. J'admirais particulièrement une femme qui faisait partie de l'équipe de direction dont je faisais partie. Malgré le stress lié à un projet difficile, elle prenait le temps de prier Allah, en portant chaque jour son tapis spécial dans la salle de prière à l'heure prévue pour le culte. Elle observait également le Ramadan avec beaucoup de rigueur, tandis que nous prenions notre petit déjeuner au bureau. Elle jeûnait toute la journée et ne mangeait qu'après la tombée de la nuit avec sa famille. Même si j'aimerais que des musulmans dévoués comme elle partagent ma foi en Jésus, je dois reconnaître que les chrétiens n'ont pas le monopole de la spiritualité ou de la moralité. On trouve des êtres humains merveilleux dans l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme, et même dans l'athéisme et l'agnosticisme. Et ce n'est pas à moi de dire comment Dieu les jugera au jour du jugement dernier. Je soupçonne que sa miséricorde sera beaucoup plus grande et embrassera un éventail de personnes bien plus large que ne le pensent certains chrétiens très conservateurs. Après tout, l'Ancien Testament compte de nombreux personnages tels que Abraham, Moïse et David, que la Bible range parmi les sauvés. La grâce de Dieu ne se limite donc pas à ceux qui connaissent Jésus. La Bible insiste beaucoup sur le fait que Dieu a donné son Fils unique parce qu'il aime le monde entier, et pas seulement les parties où l'Église chrétienne est bien implantée. Mon devoir en tant que chrétien n'est pas de juger ceux qui suivent d'autres religions, mais de partager la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre.